إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، وأقيموا له دينكم، وأخلصوا في أعمالكم، والزموا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، لو عرف المسلمون عظمة دينهم وكيف أن الله حفظه لهم لما فترت ألسنتهم عن حمده وعن شكره سبحانه وتعالى، ولو عرفوا أهمية السنة النبوية وكيف أن الله سخر لها رجالا حفاظا أفذاذا حفظوها فبلغوها، لعظموا جناب السنة وتمسكوا بها وفاخروا بها على سائر أهل الملل والنحل، وترحموا على حفاظ السنة وناقلة الأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من حفاظ الحديث وعلمائه. وأخبار نقلة السنن والآثار كثيرة وعجيبة، تميزت بها هذه الأمة عن سائر الأمم. وحسبنا في هذا المقام جانب واحد، وهو الرحلة في طلب الحديث والأثر، إذ نقلت آثار كثيرة عن الصحابة والسلف الصالح في رحلاتهم لطلب الحديث أو السماع من شيخ بعينه، وربما كانت الرحلة طويلة جدا وتستمر أشهرا لأجل حديث واحد. فبالله عليكم، من رحلوا أشهرا عدة في طلب حديث واحد، ألا يكون الله تعالى قد وفقهم وسخرهم لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي بحفظها يحفظ الدين؟ فالسنة النبوية شارحة للقرآن، مفصلة لأحكامه، ومؤسسة لأحكام لم ترد في القرآن، ليكتمل بها دين الإسلام. يقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. رواه أحمد. ومن أخبار الصحابة رضي الله عنهم في الرحلة لطلب الحديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فحدثه به. وفي حادثة أخرى صار أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر ليسأل عن حديث واحد، فلما بلغ مصر وسأل عن الحديث رجع من فوره، فما أعجب ما فعل. وعن عطاء بن أبي رباح قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر فأخبر به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه غيري وغير عقبة، فابعث من يدلني على منزله. قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة، فأخبر عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن، فحدثه به. فقال له أبو أيوب: صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة. روى هذه القصة الإمام الحميدي شيخ الإمام البخاري رحمه الله. وسار التابعون وأتباعهم على إثر الصحابة في السفر لطلب حديث واحد أو للتوثق منه، وأخبارهم في ذلك كثيرة، ومنها ما رواه أبو عثمان النهدي قال: بلغني عن أبي هريرة حديث، فحججت ذلك العام ولم أكن أريد الحج إلا للقائه في هذا الحديث، فأتيت أبا هريرة فقلت: يا أبا هريرة، بلغني عنك حديث، فحججت العام ولم أكن أريد الحج إلا للقائك. قال: فما هو؟ فذكره له، فحدثه أبو هريرة به. رواه أحمد. وعن ربيعة بن يزيد قال: سمعت ابن الديلمي يقول: بلغني حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فركبت إليه إلى الطائف أسأله عنه، وكان ابن الديلمي بفلسطين، فدخلت عليه وهو في حديقة له. رواه أبو بكر الفريابي. وقال التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال التابعي الجليل بسر بن عبيد الحضرمي ابن عبيد الله الحضرمي رحمه الله: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. ومن أعجب الأخبار في ذلك ما فعله أمير المؤمنين في الحديث الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله، إذ رحل إلى أمصار عدة ليتثبت من حديث واحد، فسمع هذا الحديث وهو بالكوفة، وقيل له إن راويه في مكة، فرحل إلى مكة وقت الحج لا يريد الحج وإنما يريد التأكد من هذا الحديث، فقابل راوي الحديث في مكة فأخبره أن شيخه الذي حدثه به في المدينة وهو لم يحج هذه السنة، فلما قضى شعبة مناسكه رحل للمدينة للتأكد من ذلك الحديث. فلما بلغ المدينة أخبره راويه في المدينة أن من حدثه به في البصرة، فرحل إلى البصرة حتى تبين له ضعف ذلك الحديث. فلنتأمل هذا العمل العظيم من هذا الإمام الكبير، إذ رحل على المطايا والأرجل من الكوفة إلى مكة، ثم إلى المدينة، ثم إلى البصرة، لأجل التأكد من حديث واحد فقط. ثم يأتي من يتأكى على أريكته ليطعن في السنة بكلمتين حفظهما عن مستشرق جاهل حاقد مغرض، ليشكك في السنة وليجعل المعظمين للسنة والمتمسكين بها مقلدة. وهذا والله هو الجهل المركب الذي يظن صاحبه أنه يعلم وهو يجهل، يجهل أنه يجهل، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. عباد الله، لا يطعن في السنة النبوية أو يشكك فيها إلا حاقد مأفون، ولا يستبدل غيرها بها إلا جاهل مغرور. وإلا فإن السنة النبوية محفوظة بحفظ الله للوحي والدين، فهي من الوحي، ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهي من الوحي، ولا قيام للدين إلا بها. ومن ترك السنة ترك شرائع الإسلام، فلا يمكن أن يعرف كيف يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ولن يأتي بكافة شرائع الإسلام، لأن تفصيلات الشرائع والأحكام في سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وهذا ابتلاء من الله تعالى للأسلاف ليحفظوا السنة، وقد حفظوها وبلهوها ودولوها، وابتلاء للخلف ليتعلموها ويفقهوا أحكامها ويعملوا بها، وابتلاء للعلماء المسلمين ومثقفيهم أن يردوا عن السنة طعن الطاعنين والتشكيك المشككين، وابتلاء لعوام المسلمين أن يعظموا جناب السنة النبوية ولا يصغوا لشبهات المشككين فيها. هذا وكون أعداء الإسلام من المستشرقين الحاقدين والمنافقين الموتورين يشككون في السنة، وكذلك أهل البدع من المعتزلة وغيرهم يشككون في السنة حقدا على الإسلام والمسلمين، ومحاولة منهم لإخراج المسلمين عن دينهم، فهذا أمر معروف. ولكن أن تنطلي شبهاتهم على من يدينون بالإسلام، فهذا من أعجب العجب، ومن أمراض القلوب التي من أصيب بها فلا عافية له منها حتى يتوب من ذنبه ويباعد عن موادر الشبهات والتشكيك في دينه. عصمنا الله تعالى وأولادنا وأحبابنا من الزيغ والضلال، ورزقنا التمسك بهدي خير الأنام، ورحم الله أئمة الحديث ناقلة الأثر على ما بذلوا من جهود كبيرة في حفظ السنة النبوية وتبليغها وتنقيتها مما حاول الكذب الإدخال فيها، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah et de son châtiment en faisant et en accomplissant les œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il vous a ordonné d'accomplir, et en vous écartant des actes et des paroles qu'il déteste et qu'il vous a interdit de faire. Et le sujet de la khutbah d'aujourd'hui est un sujet extrêmement important, qui est relié avec la religion et sa préservation, et comment Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, et il a révélé également à son messager sallallahu alayhi wa sallam l'explication et les détails de ce Coran. Parce que l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses paroles sont des explications et des clarifications de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et donc on ne peut pas comprendre ni appliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sans se référer à l'exemple et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé de la même manière qu'il a protégé le Coran. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le rappel, et certes nous allons le préserver. Et adh-dhikr dans le verset, ce n'est pas seulement le Coran, mais c'est également la sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas selon la passion, c'est seulement une révélation qui lui a été révélée. Donc toutes les paroles et les explications du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de la révélation, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. Certes, on m'a donné le Coran et quelque chose de semblable avec, c'est-à-dire la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, ويعلمهم الكتاب والحكمة. Et les ulama, ils mentionnent et ils clarifient que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il leur enseigne le Coran, le kitab, c'est le Coran, والحكمة, ils disent c'est la Sunna. Donc de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a également révélé sa sunna. Lorsqu'on comprend l'importance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on peut être heureux, on peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, puisque aujourd'hui dans nos bibliothèques et dans nos étagères, on a des recueils de hadith, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan ibn Majah, al-Tirmidhi, Abu Dawud, al-Nasa'i, et la Musnad de l'imam Ahmad, et beaucoup d'autres livres de hadith. On a juste à tendre la main et à ouvrir le livre pour trouver les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses actions, qui ont été recueillis et rassemblés et mis dans ces livres. Aujourd'hui, on a juste, même si on n'a pas le livre, à rentrer dans n'importe quel logiciel ou application de hadith, on retrouve Al-Kutub al-Tis'a au bout de nos doigts dans notre téléphone. Mais réfléchissez et pensez à tous les efforts qui ont été faits par les imams de cette religion, à partir de l'époque des Sahaba et des Tabi'in et des Tabi'i Tabi'in, tous les sacrifices et les efforts qu'ils ont faits pour préserver la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été rapporté justement à ce sujet-là de la part de ces grands ulama et de ces imams les exemples de leur sacrifice et de leur effort. Et par exemple, parmi les exemples qui ont été mentionnés, l'exemple de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, qui est parti de Médine et qui est allé jusqu'en Égypte pour trouver un seul hadith. Et on a des exemples aussi de d'autres choses, hein, de d'autres exemples de la part de d'autres parmi les sahaba qui sont partis jusqu'en Syrie. Ils sont arrivés là-bas, ils ont dit, je viens uniquement pour entendre tel ou tel hadith que j'ai entendu du messager d'Allah. Il ne reste plus aujourd'hui personne qui l'a entendu de lui, excepté moi et ce compagnon. Alors il demande à ce compagnon ce hadith et il lui mentionne le hadith et il remonte sur sa monture et il retourne. Il n'est venu dans cette ville ou dans ce pays que pour demander un hadith et puis il retourne. Et une des exemples les plus étonnantes à ce sujet-là, c'est l'exemple d'un des imams parmi les imams des salafs et parmi les grands savants de la sunna, l'imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, qui est parti de Al-Basra et il est parti jusqu'à Mecca pour entendre un hadith de la part de celui qui l'a rapporté dans la chaîne de transmission. Et il est allé pendant le Hajj pour profiter de l'occasion, parce que son intention, c'était pas de faire le Hajj, mais juste d'entendre ce hadith pour vérifier son authenticité. Donc il est arrivé à Mecca, il a rencontré le rapporteur du hadith, et ce rapporteur lui a dit que son cheikh, celui qui lui a rapporté le hadith, il n'était pas venu au Hajj cette année-là et qu'il était à Médine. Donc quand l'imam Shu'ba a terminé son Hajj, il est parti à Médine et il a rencontré le rapporteur de ce hadith. Et le rapporteur de ce hadith lui a dit que celui qui lui avait rapporté ce hadith-là, eh bien, c'était quelqu'un qui était finalement à Basra. Alors il est parti jusqu'à Basra pour le rencontrer et pour lui demander à propos du hadith en question, pour finalement constater à la fin que le hadith était faible. Mais tous ces efforts-là, c'est pas pour rien. Et au contraire, il a pu, par ce moyen-là, vérifier et clarifier et confirmer le fait que le hadith en question n'est pas authentique. Mais tous ces imams qui ont fait ces efforts et ces sacrifices-là pour rassembler la sunna et purifier la sunna de tout ce qui aurait pu être rajouté ou inventé ou attribué faussement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont donné leur temps, leur énergie, leur vie, leur argent pour ça. Et ils ne faisaient pas ça pour obtenir quoi que ce soit de la dunya ou pour avoir un salaire ou pour avoir une récompense dans cette dunya. Ils ne le faisaient que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit le résultat et le fruit de leur sincérité et de leurs efforts dans le fait que jusqu'à aujourd'hui, ces hadiths-là ont été préservés par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prochaine fois que vous entendez un hadith ou que vous prenez un livre de hadith dans votre main et que vous lisez les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous de ça. Et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a préservé pour nous sa religion par des grands imams et des ulama qui ont fait ce travail immense. Et il y a à toutes les époques des ennemis de l'islam et des gens qui détestent la religion, qui essaient de combattre la sunna, qui essaient d'émettre des doutes au sujet de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et à notre époque, il y a des tendances et des mouvements de ce genre qu'on voit apparaître et qui commencent à essayer de mettre des doutes sur la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Soyez alerte et soyez sur vos gardes et ne portez pas d'attention à ce que ces gens-là disent. Alhamdulillah, les ulamas de l'islam, ils ont clarifié et réfuté toutes ces ambiguïtés et ces doutes. Et ceux qui cherchent la science et qui connaissent la religion, alhamdoulillah, ils trouvent les réponses et ils trouvent les clarifications. Il y a des choses que vous entendez peut-être actuellement dans les médias, des histoires d'une mosquée dans laquelle on a mis comme imam des femmes et les gens ils prient mélangés, les hommes et les femmes ensemble. Ça c'est n'importe quoi. Ces choses-là n'ont jamais été faites par les sahaba, ni les tabi'in, ni les tabi'in. Et les imams de la religion ont condamné ce genre de choses. Hein? Comment ils vont avoir un imam femme et eux ils prient derrière? Et ce sont des hommes et des femmes mélangés? Ça c'est haram. C'est clair. Et c'est un munkar. C'est une opposition claire et évidente de tout ce qui est mentionné et clarifié par Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs rangs dans la mosquée sont les premiers pour les hommes. Et les meilleurs rangs pour les femmes, c'est ceux qui sont en arrière. Les derniers rangs. Et il a ordonné aux femmes de prier derrière les hommes. Et si la femme, c'est elle qui est l'imam, hein, elle peut être imam pour d'autres femmes, mais d'être imam pour des hommes, ça c'est pas permis. Et en plus, quand elle a ses menstrues, quand elle a ses règles, qu'est-ce qu'elle va faire? On va attendre qu'elle finisse pendant 5 ou 6 jours, 7 jours, pour qu'elle revienne, pour faire la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à chacun son rôle et ses responsabilités. Il faut pas essayer de mélanger ces choses-là. Et le secret derrière ce groupe d'égarés qui essaie de faire ce genre de choses, c'est qu'ils ne croient pas en la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils essaient d'interpréter le Coran selon leurs passions et leurs désirs, pour essayer de déformer la réalité de l'islam. Et il y a un effort qui est fait, ou un travail qui est fait, de la part des koufars pour les aider et les financer. Et derrière eux, il y a un institut ou une fondation qui s'appelle la Fondation pour créer l'islam de France. Ils veulent créer un islam français qui respecte les règles et les lois françaises. Et bien entendu, pour ça, ils vont déformer et changer les enseignements de la religion pour satisfaire leurs passions et leurs désirs. Et à leur tête, il y a un groupe qui prétend vouloir faire revivre la secte des Mu'tazila, celle que les grands imams de l'islam comme l'imam Ahmad ibn Hanbal et d'autres ont combattu et ont détruite complètement. Ils essaient de la faire renaître et de la faire revivre, et ils essaient de rejeter la sunna, et ils se moquent des sahaba et ils se moquent des hadiths, et ils critiquent la religion de l'islam et ils combattent l'islam au nom de l'islam. Donc il faut faire attention à ça et être sur nos gardes, surtout à notre époque, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance et beaucoup d'égarements qui sont propagés dans les médias et ailleurs. Et donc, on est tous touchés par ça, et on a une responsabilité, hein, de préserver et de garder cette religion. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.